Bernadette de Marie, s'imaginant sans cloque, vivant pleinement sa vie en solitaire, au bras d'un bel inconnu, se sentant seule sur terre, elle attend sa venue. Une croisière sur le Nil, un amour qui fait naufrage, un au revoir, un exil, et des grandes plaines d'Afrique au climat des banlieues. Rien n'arrêtera Marie, éperdument amoureuse, Et elle y pense ce jour et nuit, qui sera l'ange qui réveillera sa vie. Les images dansent dans la tête de Marie. Son cœur balance et qu'elle ne rêve pas. Marie s'imagine devenir dame au chat, Déchu de l'amour au clic, homme personnalisé d'émotions numériques, sans grand intérêt, elle cherche un sens à sa vie, construit des projets, cette fois c'est sur Marie, vivra sans regret, Son cœur balance.